Deuxième partie, dans l'appartement des Louviers. Ah, bonjour, oncle Charles. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci, ma chère Louise. Et toi? Et Pierre? Moi, je vais très bien, merci. Mais Pierre est fatigué. Il travaille beaucoup. Il travaille trop, beaucoup trop. Il refuse d'écouter son docteur et sa femme. Je connais ton mari. Il est têtu comme un âne. Toi aussi, Louise, tu travailles trop. Toi aussi, tu es têtu. Moi? Non. Où est Pierre? Il est là, sur le sofa. Venez, je vais vous présenter M. Duhamel. Je vous présente M. Duhamel. M. Duhamel, je vous présente mon oncle, M. Charles Lefebvre. Je suis très heureux de faire votre connaissance, monsieur. Enchanté.